L'actualité à Nancy et ailleurs. Dominique Conna, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable audiovisuel à la MJC Lorraine, qui organise un Media Lab sur le thème « Agir ou laisser faire » le samedi 14 avril après-midi à la MJC Lorraine de Vendeuvre-les-Nancy. Un Media Lab, c'est quoi ? Alors un Media Lab, c'est un peu toute une démarche expérimentale, c'est une démarche de co-construction collective. Disons que c'est un projet qui est porté par la Fédération française et du coup, les acteurs de la Fédération française, les acteurs de la Fédération régionale des MJC et nous-mêmes, nous avons co-construit ensemble ce projet d'expérimentation, ce projet de Media Lab qui finalement est un espèce de laboratoire où on va présenter différentes initiatives liées aux médias, liées à toutes ces choses-là. L'an dernier, il y a eu un Media Lab à Paris sur le thème également « À nous les médias » et sur la question des médias citoyens. Bon, bah, cette année, ça se passe chez nous en région Grand Est. Et compte tenu de notre passif sur l'audiovisuel, c'est notre structure qui a été proposée pour porter ce projet de Media Lab. Alors à qui ça s'adresse exactement, ce Media Lab ? Ce Media Lab s'adresse finalement à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur la question des médias et puis surtout à toute personne qui souhaite aussi échanger sur la question « agir ou laisser faire ». Un Media Lab, c'est ça, c'est l'occasion de présenter les différents outils qu'on a à disposition, comme des web TV, web radio, différentes choses. Et le boulot, c'est bien favoriser l'expression. Donc là, tout le public, jeune ou moins jeune, pourra venir découvrir des choses, comme des ateliers fonds verts, des murs d'expression, et en même temps, eh ben, participer par exemple à un World Café où ils vont parler de la transition énergétique. Alors, le choix de la MJC Lorraine n'est pas évidemment un hasard, hein, puisque l'audiovisuel, vous êtes responsable audiovisuel justement à la MJC Lorraine, ça prend une place importante ? La MJC Lorraine a un service audiovisuel qui est quand même tout à fait atypique, c'est qu'il travaille à la fois sur des projets d'animation standard à destination de jeunes et de moins jeunes. Donc notre projet sur le volet animation, c'est bien favoriser l'expression jeunesse. Nous avons un service de formation, nous avons un agrément formation professionnelle, on développe de la formation de haut niveau en région pour des professionnels de la communication, des intermittents du spectacle ou toute personne qui souhaite développer un projet audiovisuel dans sa structure. Et puis nous avons un volet production qui est tout à fait atypique où nous développons de la production à caractère social. On vient de sortir un web documentaire sur la question de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, mais nous travaillons aussi sur une série de films qui s'appelle « Être parent », qui est un outil d'accompagnement à la fonction parentale qui se diffuse sur le territoire national. Alors ce samedi 14 avril après-midi, ça commencera à partir de 13h30. Si on se rend à la MJC Lorraine, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, essayer et parler ? On va parler de quoi ? Ce qu'on va pouvoir voir et essayer, il va y avoir différents ateliers en continu toute la journée, enfin toute l'après-midi. Des ateliers pédagogiques autour de la scénarisation d'une histoire. Il y a un autre atelier sur, on a appelé ça nous, la préhistoire du cinéma, donc c'est tous les prémices au cinéma. Il va y avoir des espèces de dispositifs, dont un qu'on a appelé la boîte à questions, où les gens pourront venir s'exprimer sur le thème « Agir ou laisser faire ». Il va y avoir la découverte d'outils comme la Tab Mashup, donc c'est un principe de montage en temps réel, c'est très ludique, ça se fait avec des cartes et des codes-barres, donc ça va être super chouette pour les enfants. Il va y avoir un atelier de web radio, il y a des ateliers fonds verts autour de la découverte du principe de l'incrustation, des choses comme ça. Il y a des ateliers autour de YouTube parce que YouTube c'est devenu aujourd'hui un véritable média et surtout qui est approprié par les jeunes. Donc on va expliquer un petit peu comment bien monter sa chaîne YouTube, comment développer une chronique, comment développer une ligne éditoriale par rapport à tout ça. Il va y avoir les ambassadeurs du rêve, donc là c'est une troupe de comédiens qui vont collecter des témoignages auprès des publics et puis on va avoir toute une décoration super chouette dans la MJ. On va présenter notre web documentaire qu'on vient de développer sur la question des médias, donc un projet qu'on a fait avec des jeunes pendant un an et demi. On va avoir toute la journée des plateaux télé sur différents thèmes. On a une conférence sur les séries web. On va avoir un World Café. Donc là, c'est un espace de parole partagé, etc., etc. Et tout ça, ce sera en parallèle avec un plateau télé et un plateau radio. Toute la journée, donc ce sera l'occasion de voir aussi comment ça se passe un plateau télé. Et l'idée, c'est qu'en plus, on diffuse en direct. S'il y a des auditeurs qui souhaitent, qui ne peuvent pas se déplacer le 14, eh ben, ils peuvent tout à fait nous suivre, enfin, via les plateaux sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'MJC Lorraine. Tout ce qui va se passer sur le lors de cet après-midi se rassemble autour de cette thématique « Agir ou laisser faire ». C'est ça. Qu'est-ce que vous voyez derrière ce thème « Agir ou laisser faire » ? Eh bien, nous, association, on est quand même de plus en plus malmenés, c'est moins facile, on est moins soutenu financièrement. Il nous faut réagir et il faut que les gens puissent réagir, dans le sens où on a deux postures possibles. Soit on laisse faire, et puis peut-être qu'un jour les associations seront mortes, peut-être qu'un jour le droit d'expression nous sera confisqué, ou alors on peut agir. Et agir, on peut agir de différentes manières. Donc notre volonté, si vous voulez, c'est revenir un peu aussi aux origines des MJC. Et les MJC, c'était quand même des lieux, c'était pas des lieux de contestation, mais en tout cas c'était des lieux de débat, c'était des lieux de démocratie. Mmh. Et ce thème, agir ou laisser faire, c'est véritablement aujourd'hui un enjeu de démocratie. Donc que les personnes reprennent place comme acteurs au sein de l'MJC, notamment, enfin, ou ailleurs. Bien sûr, c'est ça. C'est que il y a des moments, il suffit pas de râler, hein, en disant oui, ça va pas, hein. Mais à ma manière, comment je peux contribuer à faire que mon environnement soit meilleur? Et du coup, ben, on va en discuter toute cette journée à travers les différents temps d'échange qu'il y aura avec les personnes. C'est que de toute façon, on est convaincu que chacun, à notre manière, on peut s'impliquer dans notre société pour faire du bien dans son entourage proche ou un petit peu plus éloigné. Et voilà. Avec une utilisation intelligente des médias, et on y revient sur ce qu'on va pouvoir découvrir là aussi. Il y aura une utilisation ludique, bien sûr, avec plein de choses un peu sympathiques, mais aussi la manière dont on peut utiliser les médias actuels. Vous avez cité YouTube notamment tout à l'heure. Bien sûr. Aujourd'hui, on sait que via les Facebook, via l'ensemble des réseaux sociaux et via les YouTube et compagnie, c'est devenu des véritables espaces d'expression. Qui sont pas autant, il y a quelques années, c'était un peu anecdotique. Aujourd'hui, c'est des espaces qui peuvent être des contre-pouvoirs, qui peuvent montrer qu'on peut penser et voir les choses autrement. Donc, nous, l'idée, c'est de faire que les gens puissent s'approprier ces outils et qu'ils les utilisent à leur manière, mais avec une espèce de déontologie et qu'ils comprennent que ce n'est pas anodin de porter sa voix aujourd'hui sur un réseau social, parce que aujourd'hui, nous, on estime que ces réseaux sociaux sont devenus des médias. À nous, les médias. Une journée d'expérimentation autour des médias citoyens, c'est donc le samedi 14 avril de 13h30 à 18h à la MJC Lorraine de Vendeuvre-les-Nancy. On y vient comme ça, il n'y a pas besoin de s'inscrire ? Il n'y a pas besoin de s'inscrire, on y vient comme ça, ce sera dans la bonne humeur. Je pense, prévoyez un petit peu de temps parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, vous pouvez vite passer 2-3 heures avec nous. Normalement, ça va être vraiment un chouette moment. Et en plus, pour nous, c'est aussi un moment important parce que on a des collègues de plusieurs MJC de toute la France qui viennent présenter aussi des choses. Donc, c'est à la fois pour nous un temps de rassemblement fédéral et un temps de découverte des compétences des uns et des autres. Et puis, un temps fort où on va accueillir nos publics et on sera ravis de leur faire découvrir tout ce qui va s'y passer. Très bien, Dominique Conna, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.